Homme. Étonnant, saisissant, surprenant, consternant, de tout temps en avant, l'homme sera plus le seul gagnant. La femme est l'avenir de l'homme de Michel a croqué la peine, c'est plus la peine qu'on la raisonne. La femme est l'avenir de l'homme car l'homme a dévoré la pomme, a s'enfilé la fièvre jaune. Attendant, tâtonnant, observant, patiemment, jusqu'à l'heure du changement, le bilan, c'est maintenant. La femme est l'avenir de l'homme depuis qu'elle a croqué la peine, c'est plus la peine qu'on la raisonne. L'avenir de l'homme car l'homme a dévoré la pomme, a s'enfilé la fièvre jaune. Constamment sur les dents, à gérer ses enfants, son boulot, ses amants, pas facile d'être en vent. La femme est l'avenir de l'homme depuis qu'elle a croqué la pomme, c'est plus la peine qu'on la raisonne. La femme est l'avenir. Car l'homme a dévoré la pomme, a s'enfilé la fièvre jaune. Ouais, et tant pis pour les hommes. Une nouvelle ère commence pour les femmes. Ouais, j'aime les femmes. Car l'homme